J'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for myself. Et je roule. J'ai passé des nuits comme ça à Ottawa, en te caressant et en tenant dans mes bras. J'ai passé des nuits so-so à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Oh, oh, oh, oh, oh. Je suis un Hells Angels à pied. Je mange des hot dogs, mais je bois du thé. Je suis un Satan's Choice raté. Quand je vois sa main, je mange des goûters. Je suis un bon de bonne famille. Pour faire comme les vrais robineux, les vrais noms, c'est ça. J'ai des beaux vieux abineux. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Citroën avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper avec Aline pourvu que ça pine. Avec Thérèse, fraise contre fraise. Si j'avais des lumières sur mon Ford, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je de belles nuits à Québec, en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé des nuits comme ça à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bras. J'ai passé des nuits so-so à Toronto, mais si je me rappelle bien, ça fermait.